Chapitre 9e. La foule se pressait aux portes du couvent des sœurs de Saint-Dominique à Kamieniec-Podolski. L'église était resplendissante de lumière. Le maître-autel du chœur était orné de vases remplis de fleurs. De belles tapisseries recouvraient les murs. Enfin, tout annonçait l'attente d'une grande solennité. Le catholicisme avait déployé toutes ses pompes et toutes ses magnificences. Religion née dans un hameau, cachée ensuite dans des catacombes, puis éclatante parmi toutes les pompes du pouvoir, parmi toutes les merveilles des arts, que tu es belle. Que tu es belle, dans la crèche de Bethléem, dans les cachots des martyrs, dans la basilique de Saint-Pierre. Religion de Jésus-Christ, religion du pauvre et du malheureux, que tu es belle. Cette foule, se ruant à la porte du couvent, se pressant sans miséricorde sur les plus âgés et les plus infirmes, devint tout à coup attentive et recueillie quand elle eut pénétré dans le temple. Le plus incrédule prend l'aspect de la ferveur en présence de la majesté de Dieu. Une jeune fille allait se consacrer au Seigneur. Les religieuses sortirent deux à deux du couvent et vinrent se former en ligne de chaque côté de la nef. Une de leurs compagnes, belle comme une vision céleste, marchait au milieu d'elles et vint se prosterner à genoux sur la première marche de l'autel. Alors le prêtre s'avança et la cérémonie commença. Edmond et sa sœur étaient établis depuis un mois à Kamieniec, et Bronislas venait de les rejoindre. Tous trois, ils se dirigeaient vers le faubourg pour faire une promenade hors de la ville, lorsqu'en passant devant le couvent de Saint-Dominique, ils entendirent parler de la cérémonie qui allait avoir lieu. Les pauvres disaient « C'est une belle jeune fille qu'on veut forcer à prendre le voile ». Les autres disaient « C'est une vocation ». Les autres « C'est une fille trompée et repentante ». Tout cela piqua la curiosité des trois amis, et ils entrèrent dans l'église. La novice était debout, la tête baissée et les mains jointes, et le prêtre, revêtu d'un surplis blanc, prononçait ces mots. « Ma fille, renoncez-vous au monde. Voulez-vous être morte au monde pour vous consacrer à Dieu ?» Une faible voix répondit. « Oui, mon père. » « Ma fille, agenouillez-vous. Demandez à Dieu sa lumière. Qu'un rayon de grâce descende sur vous et vous éclaire. » La novice tomba à genoux, et se prosterna, la face contre terre. Tous les assistants s'agenouillèrent aussi. Tous demandaient à Dieu en ce moment d'éclairer cette pauvre âme qu'un vœu imprudent allait arracher au monde. La novice se relève. Sa figure est baignée de larmes. Un éclat surnaturel semble animer ses yeux. Tous ses traits portaient l'empreinte d'une agitation fébrile. Le prêtre descend les marches de l'autel et dit « Voulez-vous être l'épouse de Jésus-Christ ? Jetez un dernier regard sur le monde, puis venez à Dieu pour toujours. » La novice se retourne et contemple un moment cette foule qui est là, avide d'émotion. Tout à coup, un homme s'élance et vient jusqu'au degré de l'autel. Sa vue, le désordre de ses traits, a pétrifié les assistants. Personne n'a osé l'arrêter et personne n'ose encore le retenir. Il étend sa main vers le prêtre et d'une voix déchirante, il prononce ces mots « Au nom du ciel, arrêtez !» La novice le regarde et tombe évanouie dans les bras des religieuses qui l'emportent. Edmond avait reconnu celle qu'il avait crue sa sœur. Le prêtre fit un signe de croix, dit à voix basse une prière et se rendit ensuite dans la sacristie. Bronislas ne tarda pas à l'y rejoindre. Ce prêtre vénérable, disciple de Jésus-Christ, écouta avec bonté les révélations de l'ami d'Edmond. Ce prêtre était l'image de ces hommes de l'ancienne loi. C'était le juste qui descendait d'en haut comme la rosée du ciel. Cet homme n'avait de voix que pour chanter les louanges de Dieu, les merveilles de la religion, n'avait de parole que pour porter la paix et la consolation dans les âmes désolées. « Mon fils, dit-il à Bronislas, tout se fait par la volonté de Dieu. Ce que cet enfant avait pris pour une vocation n'était que du désespoir. Elle est pieuse, elle est sainte devant Dieu, mais cela ne suffit pas. Pour la vie du cloître. Notre religion demande, exige un détachement réel et complet de tout ce qui tient à ce monde. » Sœur Julie appelait la mort à son aide, et c'est la souffrance que le chrétien demande. Si je ne me suis pas opposé à sa résolution, c'est que je savais que le cloître était son seul asile. Maintenant, le monde s'ouvre pour elle. Dieu veuille qu'elle y trouve le bonheur. Elle n'a pas encore prononcé ses vœux. Je lui rends sa liberté au nom de Jésus-Christ, mais elle a bien souffert. Prions pour elle. » Bronislas quitta le prêtre avec plus de piété dans le cœur et plus de croyance dans l'âme. Il retourna à l'église et trouva Edmond auprès de sa sœur, qui cherchait à le ranimer par de bonnes paroles.